Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 novembre 2017. Voici les grands titres de cette édition. Plus d'une dizaine d'organisations de la société civile burundaise boycottent la prochaine session de dialogue inter-burundais prévue la semaine prochaine à Arusha, en Tanzanie, et expliquent qu'elles craignent pour la sécurité de certains de leurs leaders. C'est en tout cas ce qu'ils ont écrit dans une lettre adressée au médiateur Museveni, en expliquant par ailleurs que la démarche des organisateurs manque d'inclusivité. Vous aurez un compte-rendu de lecture de cette correspondance à laquelle l'Olicom a apposé sa signature, et Gabriel Ophili précise néanmoins qu'il pourra répondre à ce rendez-vous si ses inquiétudes sont levées. Vous l'entendrez. Et le porte-parole de la Force de Défense Nationale dément les rumeurs faisant état de contributions énormes des membres des corps de défense et de sécurité en mission de maintien de la paix à l'étranger pour les élections de 2020. Le colonel Gaspard Baratouza dit qu'ils le feront quand ce sera nécessaire. Et vous aurez également droit à la revue de presse. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. 18 organisations de la société civile burundaise ne participeront pas à la prochaine session de dialogue qui débute ce lundi à Arusha. Dans une lettre adressée au médiateur, le président Yoweri Museveni, ces organisations donnent les motifs de leur absence à Arusha. Et parmi ces derniers figure le manque d'inclusivité ainsi que leur inquiétude sur la sécurité physique de certains de leurs leaders. Et certaines des organisations signataires ont été soit suspendues ou radiées de la liste des organisations œuvrant au Burundi. Obin Niyonguru nous a lu ce communiqué. Voici son compte rendu de lecture. Selon ces organisations, si les conditions dans lesquelles le dialogue est organisé restent inchangées, elles se voient dans l'obligation de ne pas participer à la session du dialogue prévue à Arusha du 27 novembre au 8 décembre prochain. Pour elles, l'inclusivité, condition sine qua non à la tenue et réussite du dialogue inter-burundais, n'a pas été respectée. Les représentants de ces associations disent aussi qu'ils craignent pour leur sécurité physique. Ces organisations disent qu'elles ne sauraient envoyer leurs délégués dans un pays où leur sécurité n'est pas garantie et souhaitent que la Tanzanie s'engage résolument à garantir la sécurité de tous. Ici, elle rappelle les tentatives d'arrestation de certains d'entre eux durant les précédentes sessions. Les signataires de ce document indiquent aussi qu'ils ne peuvent pas répondre à cette invitation alors qu'il y a déjà un processus de révision de la Constitution en violation de certaines résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Certaines des organisations signataires radiées ou suspendues au Burundi sont la PODH, Ligue ITK, FORSC, FOCODE, UBJ, RCP, GADIS et autres. Ces organisations emboîtent le pas du SENARED qui a aussi déjà annoncé son absence à Arusha. Merci Aubin Niyonguru, le président de l'Olicom, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, dit qu'il se rendra à Arusha si les préoccupations qu'il a adressées conjointement avec d'autres organisations facilitateurs auront trouvé solution. Gabriel Ophili précise que si jamais il y va, il défendra l'accord d'Arusha et plaidera pour l'amendement de la Constitution qui émane d'un consensus de tous les concernés. Suivez. L'Olicom fait joint aux autres pour exprimer nos inquiétudes, mais les informations qui nous parviennent nous renseignent que donc nos préoccupations ont été entendues. Attendons voir. Une fois que nos inquiétudes, surtout par rapport à la parité des invités, sont levées, je vous dirai que l'Olicom, comme il le dit toujours, la seule voie de trouver les solutions à la crise burundaise, la seule voie idéale, c'est le dialogue. Vous dites que l'Olicom pourra aller participer dans la prochaine session du dialogue d'Arusha. Et si jamais vous y allez, quelles seront les contributions de votre organisation pour aider à la résolution de la crise burundaise? Une fois que les inquiétudes qu'on a soumises sont rêvées, comme par ailleurs nous sommes en train d'attendre qu'elles sont en train d'être rêvées, L'Olicom va défendre les accords d'Arusha dans tous ses protocoles, notamment ce qui nous concerne la gouvernance et l'économie, mais aussi on va défendre à ce que la Constitution soit amendée après un accord. Donc pour nous, nous attendons voir que le document qui a cimenté la paix au Burundi ne soit pas enterré. C'est ça notre but, parce que comme je le disais tantôt, l'accord d'Arusha, il y a tout. Il faut seulement relire, il y a tout vraiment. Gabriel Ouftili, président de l'Olicom, au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Et l'association de l'Union des jeunes Batois pour le développement communautaire se plaint contre le médiateur pour ne les avoir pas invités au dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha la semaine prochaine. Et ce coup de gueule du président et représentant légal de cette association, il s'appelle Sinda Igaya Jean-Baptiste. Suivez-le. Il a invité tout simplement les Hutus et les Tutsi à Nignola, les Timitois et au nom des Batois du Burundi. Je peux confirmer que ce ne sont pas des dialogues, ce sont tout simplement des partages dont ils vont faire à Arusha. Ils le font souvent. Vous savez bien que même dans les négociations antérieures, les Hutus et les Tutsis s'étaient réunis à Arusha, à San Gidion, à Kajaga et à Kigobe en faisant des partages des quotas ethniques avec 60% pour les Hutus et 40% pour les Tutsis dans les institutions d'office de décision et 0% pour les Batois. N'oubliez que les Batois aussi est une ethnie à part. Vous savez bien que la constitution burundaise admet que le Burundi est composé par trois ethnies, à savoir Hutus, Tutsis et Twa. Ce ne sont pas des dialogues dont il faut actuellement avant que nous serons invités pour que nous statuons sur la paix au Burundi. Les dialogues nécessaires seront au cas où tous les ethnies seront invités dans le dialogue. Est-ce que les ethnies des invités transparaissent sur les listes des invités? Tu précises, c'est du gouvernement, c'est de la société civile, d'acteurs politiques. On avait qualifié ça. Est-ce que vous ne voyez pas que dans les formations qui ont été invitées, il se trouve aussi les Batois? Il a invité tout simplement les Hutus et les Tutsis à Nubiria les Batois. Je pense que va leur donner un message, mais pas, ce ne sont pas des dialogues comme il le dit. Je pense que ce sont des messages dont il va les dire. Ils ont été invités en tant que Hutus et Tutsis. Exactement ça. Est-ce que les Batois ont des opinions qui sont différentes de celles des autres? Non, ce ne sont pas des opinions qui diffèrent des autres ethnies au Burundi. Nous partageons la même langue, nous mangeons les mêmes nourritures, tout simplement c'est les conditions de vie qui nous distinguent, parce que vous savez bien que les Batois sont des pauvres, ils vivaient comme des pauvres, mais nous partageons la langue. Il n'y en a pas la langue Hutu, la langue Tutu, la langue Twa, mais tout simplement nous sommes tous des Burundais. C'est pour cette raison que je dis, si il a invité les Hutus et les Tutsis, c'est pas à dire qu'il y a des opinions qui nous distinguent. Tout simplement, c'est la discrimination qui se fait toujours comme il le faut dans les années antérieures. Jean-Baptiste Sinda Igaya, c'est le président de l'Association de l'Union des Jeunes Batois pour le développement communautaire. Il était au téléphone avec Carlène Igiraneza, stagiaire à notre station. Il est 13h06 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le journal Burundi Echo a conclu ce vendredi 24 novembre des accords de partenariat avec certaines universités au Burundi. Le directeur général de cet hebdomadaire et les représentants des universités ont fait savoir que ce partenariat sera bénéfique aussi bien pour ces deux parties que pour le public. Le point avec Léonce Ndayishimiye. Le partenariat avec les universités consiste à échanger l'information. C'est le directeur général de Burundi Echo, Mélance Boulegeya, qui affirme que le partenariat entre le Burundi Echo et les universités est important puisque le journal va réceptionner des informations et des analyses via ces universités. Le partenariat avec les universités consiste à échanger l'information, mais aussi à développer un canal de distribution, parce que 1400 actuellement copies imprimées vont directement dans les campus universitaires. C'est-à-dire que les jeunes vont prendre facilement notre journal, mais aussi ils vont partir avec le journal à la maison. Au niveau des professeurs et étudiants, nous allons recevoir des professeurs des informations et des analyses, parce qu'effectivement, ils sont capables de nous appuyer. Ils sont capables de nous donner des informations, ici des recherches ou d'autres informations qui seront effectivement utile pour enrichir notre information. Et quant au recteur de l'université Lumière d'Bujumbura, Deogracia Sinimhagaritse, l'une des universités signataires de ce partenariat, les étudiants vont y bénéficier beaucoup d'avantages et surtout l'initiation à l'écriture des journaux en rapport avec l'économie. Burundi Eco, c'est Burundi Économie. C'est un journal qui est distribué gratuitement dans nos universités. Alors, qu'est-ce que nous allons gagner ? Nous allons gagner sur deux aspects. Nos étudiants qui reçoivent gratuitement le journal Burundi Eco, les numéros, les hebdos de Burundi Eco, vont les lire d'abord. Ça va alors familiariser nos étudiants à la lecture du journal. Deuxièmement, avec ce partenariat que nous venons de signer, nous allons inviter vivement nos étudiants à s'initier à l'écriture des journaux ou à faire des analyses politiques, économiques, des analyses internationales, de la politique internationale et les publier dans ce journal à la lecture du public et du monde qui sera en contact avec ce journal. Le journal Burundi Echo avait commencé ses activités le 23 août 2012. Merci Léon Sendaï Chemezé, stagiaire à notre station. Également dans l'actualité, le porte-parole de l'armée nationale dément les informations selon lesquelles il y aurait des prélèvements sur les indemnités des militaires en mission de paix dans les pays étrangers pour contribuer aux élections de 2020. Le colonel Gaspard Baratouza dit que s'il y a la nécessité de faire contribuer les militaires, cela passera par une loi. On l'écoute. Ce ne sont pas des informations, ce sont plutôt des rumeurs qui circulent à travers certains réseaux sociaux, comme quoi des militaires qui sont en mission de maintien de la paix en Somalie, vers le prélèvement sur les indemnités d'opération, ils disent que c'est 300 000 francs par individu et par mois, et qu'en République centrafricaine, dans la mission onusienne MINUSCA, que ce serait la moitié des indemnités mensuelles. Alors, je tiens à signaler que ces informations, ces rumeurs qui circulent, sont non fondés puisque à l'armée, lorsqu'il y a une nouvelle information ou bien une nouvelle opération concernant les militaires, ce sont ces militaires qui sont les premiers à être avisés. Alors, il y a des messages ou bien des réunions à travers des causeries morales qui sont organisées et puis on les redit. Cela n'a jamais été. Il n'y a même pas de formule de message adressée aux concernés pour cela. Et aussi, ils viennent de recevoir les indemnités de 5 mois en Somalie. Les bénéficiaires que j'ai eu le temps de contacter ont affirmé qu'ils ont eu ce qu'ils devraient avoir conformément au mémorandum d'entente. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de retrait en faveur des élections de 2020. Mais cela étant, s'il devenait le cas de contribuer comme les autres citoyens, les militaires étant les premiers, ils seront avertis et le montant qu'ils vont donner, ça sera prescrit dans les textes réglementaires comme une ordonnance sera mise à la disposition. Les Français disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'effet qui serait à l'origine de ce que vous appelez rumeur? Écoutez, lorsque il y a une information nouvelle, et les militaires sont avisés à travers les causeries morales. Le chef de la Force de défense nationale du Burundi vient de faire une tournée dans toutes les régions militaires. Parmi les questions qui ont été débattues, ce point n'a jamais été évoqué. Ni les militaires, ni le chef de la force, personne n'a évoqué cette question d'inquiétude à propos. Pour dire que ce qui n'a pas été dit lors de ces grandes réunions, toutes les catégories des militaires, ça constitue une rumeur puisque ça devrait être débattu lors de ces causeries morales. Le colonel Gaspard Baratouza, c'est le porte-parole de la Force de défense nationale. Au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Et le porte-parole de la police nationale confirme qu'il y a 6 pêcheurs burundais qui ont été enlevés par des militaires rwandais la nuit de mardi avant la nuit dernière dans les eaux du lac Rweru. Pierre Nkurikiye précise que 2 parmi les 6 ont été relâchés. Il demande aux familles de ces personnes d'attendre parce que les institutions habilitées se sont saisies de la question. La police burundaise confirme l'enlèvement de 6 Burundais dans les zones territoriales du Burundi au niveau du lac Rweru. C'était hier vers 5h du matin. Ils ont été enlevés par des militaires rwandais et ils ont été conduits au Rwanda. Et vers 9h, 2 parmi les 6 ont été relaxés et ont regagné le Burundi. Mais les 4 restent toujours entre les mains de ces militaires rwandais. On les attend toujours. Aussi, il faut rappeler que depuis 3 mois, il y a un autre pêcheur qui s'appelle Nyabenda Nestor qui a été enlevé au même endroit et de la même manière par les mêmes militaires rwandais qui qui n'est pas encore revenu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour que ces Burundais puissent regagner leur pays? Même cette communication que nous sommes en train de faire fait partie de ces actions-là qui sont en train d'être réalisées pour que ces gens-là puissent être libérés et regagner leur territoire, le Burundi. Dans ces moments, comment les familles de ces personnes pourraient se comporter? Dans cette situation, qu'est-ce que les familles de ces personnes pourraient attendre comme nous, on attend tout le monde à ce que ces gens-là soient libérés et qu'ils regagnent le Burundi vivant. Voilà, c'était le porte-parole de la police nationale, Pierre Nkurikiye, au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Vous voudrez bien nous excuser pour cette petite erreur de montage faite dans la précipitation. Également dans l'actualité, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF au Burundi, dit être consterné d'apprendre que deux enfants ont été amputés de leur poignet accusés de vol de maïs à Gitega ce jeudi. Dans sa déclaration publiée ce vendredi, l'UNICEF indique que cet acte tragique est une violation des droits de ces deux enfants dans la forme la plus cruelle et qu'il est essentiel que les auteurs soient responsables devant la loi. Jeremy Hopkins, représentant de l'UNICEF au Burundi, dit qu'il est horrifié quand tel acte de violence puisse avoir lieu dans ce pays et qu'il est préoccupé par le bien-être des deux enfants qui ont besoin de soins et de soutien immédiat. Il fait savoir également que l'UNICEF est reconnaissant aux autorités qui ont réagi rapidement de manière appropriée et que l'UNICEF continuera à collaborer avec le gouvernement pour protéger les enfants victimes afin que le système judiciaire puisse suivre son cours dans les plus brefs délais. Et puisqu'on parle des enfants, une nouvelle méthode de prise en charge intégrée des maladies des enfants de moins de 5 ans au niveau communautaire va être prochainement initiée en province Mwaro. Cette méthode, appelée Integrated Community Case Management, en sigle, contribuera à réduire le taux de mortalité de cette catégorie de population. Et les responsables administratifs dans cette province et les responsables des projets qui vont appuyer dans cette activité demandent à toute personne impliquée de contribuer effectivement à sa réussite. Pour plus de précisions, nous appelons notre correspondant Laurent Dicourillo. Cette nouvelle méthode de prise en charge des cas de maladie des enfants dans la communauté sera mise en application par des agents de santé communautaire. Les cas de maladie des enfants de moins de 5 ans qui seront concernés par cette nouvelle approche sont le paludisme, les maladies diarrhéiques, la pneumonie et le dépistage des cas de malnutrition. Cette méthode appelée Integrated Community Case Management, ICCM en sigle, contribuera sensiblement à la réduction du taux de morbi-mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les cas d'enfants malades qui ne seront pas traités par ces agents de santé communautaire seront rapidement référés vers les centres de santé proches. À partir de la semaine prochaine, ces agents de santé communautaire vont recevoir une formation relative donnée par l'association d'Outawa l'année pour le volet développement des ressources et des ménages, tandis que l'ONG COPED s'occupera du volet santé de cette nouvelle approche dite ICCM. Le gouverneur de la province Mwaro, Jean-Marie Nyakaregwa, dit que pour que cette méthode puisse réussir, tous les administratifs locaux, les leaders d'opinion, les responsables de confessions religieuses et les chefs de tous les différents services d'activité qui se déroulent dans la province Mwaro doivent être mobilisés pour la mise en application de cette stratégie. Ngendakuri Ostofer, coordonnateur du projet d'Outawa l'année, lui emboîte le pas en demandant à tout un chacun de contribuer à la réussite de cette activité, étant donné que c'est un projet du ministère de la Santé. Signalons que cette nouvelle approche dite ICCM sera exécutée dans les provinces de Bujumbura et Mwaro. Depuis Mwaro, Laurent Dicourillo, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Et toute personne qui vendra des légumes de manioc, isombe en langue nationale, le marché, devra être en possession d'une autorisation écrite et délivrée par le chef de colline, attestant que ces légumes ont été cueillis dans son champ. Cette autorisation est d'usage unique et n'autorisera qu'un seul sac de légumes. Et c'est le contenu d'un communiqué signé par l'administrateur de la commune Bubanza ce vendredi, après beaucoup de lamentations des cultivateurs qui disent que leurs champs sont souvent endommagés par des voleurs. Space Caritas Cabagnana pour plus de détails. Ce communiqué signé ce vendredi dit qu'après beaucoup de lamentations des cultivateurs qui disent que les champs de manioc en croissance sont souvent endommagés par des voleurs qui les coupent et vendent les feuilles de manioc et tombent sur différents marchés, l'administrateur de la commune de Boubanza décide que toutes les personnes qui vendent ces légumes de manioc et tombent au marché devra être en possession d'une autorisation délivrée par le chef de colline attestant que ces légumes ont été cueillis dans son propre champ. Cette autorisation est d'usage unique et ne supportera qu'un seul sac de légumes selon le même communiqué. Aussi, le numéro de téléphone du chef de colline devra apparaître sur ce document et personne d'autre n'a le droit de délivrer cette autorisation. Après François Kazovio, administrateur de la commune de Boubanza, même d'autres administrateurs vont faire la même chose puisque ça a été recommandé par le gouverneur de la province de Boubanza au cours d'une réunion de sécurité tenue en commune Manda ce mardi. Et c'est après beaucoup de lamentations des cultivateurs qui déplorent le phénomène de vol nocturne ces derniers jours dans les champs. C'est Caritas Kavanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Un rapide rappel des titres avant de passer à la revue de presse. Plus d'une dizaine d'organisations de la société civile burundaise boycottent la prochaine session de dialogue inter-burundais prévue la semaine prochaine à Arusha en Tanzanie et expliquent qu'elles craignent pour la sécurité de certains de leurs leaders. Et dans une lettre adressée au médiateur Museveni, elles expliquent par ailleurs que la démarche des organisateurs manque d'inclusivité. Vous avez suivi le compte rendu de lecture de cette correspondance à laquelle le LUCOM a posé sa signature et le président de cette organisation, Gabriel Ufsili, précise néanmoins qu'il pourra répondre à ce rendez-vous si ces inquiétudes sont levées. Vous l'avez suivi. Et le porte-parole de la Force de Défense Nationale dément les rumeurs faisant état de contributions énormes des membres des corps de défense et de sécurité en mission de maintien de la paix à l'étranger pour les élections de 2020. Le colonel Gaspard Baratouza a dit qu'ils le feront quand il y aura des textes réglementaires pour cela. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Jean Dodieu Ndaïsenga. La voix est de Jean Bosco Nduimana. Tout de suite, Léonce Vitalio me rejoint pour la revue de presse. Un bon après-midi. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu est longuement revenu sur la reprise du dialogue à Arusha. Le 27 novembre débute le prochain round des pourparlers en terre et tanzanienne pour une sortie de crise. Une session qui s'est fait longuement désirer selon le journal. Des sources diplomatiques parlaient déjà d'une dernière session prévue à Arusha. Même si l'agenda n'est pas encore tout à fait connu, les politiciens pensent qu'ils vont continuer le travail là où ils l'avaient laissé il y a 9 mois. Notre confrère rappelle 4 thématiques dessinées, à savoir les questions politiques, sécuritaires, la problématique électorale, ainsi que les questions d'ordre socio-économique et sécuritaire. La grande inconnue de l'équation actuellement est celle de la présence des invités. Mais en attendant, 120 personnes ont été conviées à cette session, à en croire encore Iwachu. Des partis politiques, de la société civile et des confessions religieuses ont été invités. L'agence en ligne NetPress écrit que les politiciens burundais sont divisés sur la participation ou pas à la session. La plateforme de l'opposition en exil, Senared, affirmait qu'elle ne participera pas. Mais les autres politiciens de sa mouvance indiquent que certains parmi eux ont reçu des invitations à titre de président de parti politique et que la nouvelle direction de la coalition à venir décidera s'il faut y aller ou laisser. La survie de l'enseignant est une autre exigence du politique, les élections de 2020. Selon le journal La Voix de l'enseignant, Les enseignants de la province de Mwenge se sont rencontrés le 17 novembre pour célébrer la journée mondiale leur dédiée et échanger sur leurs conditions de vie et de travail. Le gouverneur de province profite de l'occasion pour leur demander de contribuer pour les élections de 2020. Ils n'ont pas bien accueilli la sollicitation et proposent au gouvernement de relever le niveau de leur salaire, quitte à ce qu'ils puissent dégager une part à contribuer pour les activités d'intérêt public. Revue de la presse. Les clubs scolaires de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre sont une des voies pour éradiquer ce fléau. C'est le cas dans la province de Rumonge, selon cette fois-ci l'agence burundaise de presse. Ces clubs sont des cadres de réflexion à travers lesquels les élèves et les éducateurs apprennent et réfléchissent sur les voies et moyens d'éradication de ce mal. Ils y abordent notamment les sujets relatifs à la vie en communauté, les comportements à risque et les précautions à prendre pour les éviter. Le Fonds pour l'environnement et le développement a accordé un don d'un peu plus de 1 million d'euros pour financer la construction d'un pont reliant les postes frontaliers de Gatumba au Burundi et Kavimvira en République démocratique du Congo. Le magazine Burundi Echo parle d'un pont pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. La réhabilitation du Dalo va accroître le volume des marchandises qui transitent par le port de Bujumbura et celles en provenance des provinces du Sud Kivu et du Tanganyika en RDC. Le pont date de la période coloniale et il est à 100% métallique, ce qui augmente les risques d'écroulement suite à la rouille qui réduit la résistance des métaux au fur et à mesure que le temps s'égrène. D'où la nécessité, selon toujours le magazine, de le remplacer par un autre plus ou moins large et consistant. Des enfants qui coupent la main à d'autres enfants, où allons-nous? C'est ici la question que se pose la communauté de blogueurs Yaga. Elle revient sur un drame qui a eu lieu en province de Gitega, où deux jeunes enfants de 5 et 9 ans ont été amputés de leur poignet gauche par deux autres ados pour avoir volé du maïs. Je veux bien croire que j'ai rêvé, que je n'ai jamais vu d'aussi horribles images, soutient le billet. Aucune formule, aucun texte ne peut leur ramener leurs membres, leurs droits, leur avenir en tant qu'humains. Peu importe la raison, aucune règle morale n'autorise une telle punition de surcroît sur un enfant qui ne demande qu'à être protégé, nourri convenablement, bref, grandir dans une communauté qui garantit ses droits. L'hebdomadaire Iwachu revient sur l'événement de Miss Ronde, la toute première au Burundi. Il parle de redorer l'image de la femme ronde. De Bukavu à Bujumbura, en passant par Kigali et Goma, la compétition Chic Madame, jadis en RDC uniquement, vient de s'étendre. Évaluées sur l'élégance, l'expression et surtout l'estime de soi, 5 candidates sur 10 seront sélectionnées pour représenter le Burundi au mois de décembre dans la compétition Chic Madame en RD Congo. Nous voulons montrer qu'une femme ronde peut être à la fois belle, intelligente, flexible. Elle peut accomplir les tâches qu'une femme fine peut faire. Chic Madame se veut une compétition ayant pour but de donner la valeur à la femme ronde. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Léonce Vitalio et Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.